On sait que Saint-Félicien fait partie maintenant des finalistes pour Kraft Hockeyville. Et là, au cours des prochains jours, on va contacter les municipalités qui vont faire face à Saint-Félicien lors du vote du 14-15 août. Question un peu de connaître un peu les raisons pourquoi qui ont décidé de porter leur candidature. Et on s'en va à Twaitevallée, c'est à l'île du Prince-Édouard, où Saint-Félicien va faire face à Twaitevallée, entre autres. Et on va rejoindre Rachel Noé. Et je suis content, on va faire l'entrevue en français. Elle possède un bon français. Bonjour, Madame Noé. Bonjour. Madame Noé, où vous avez appris votre français au départ? J'ai appris le français à l'école, dans une école d'immersion OK. à l'île du Prince-Édouard, pas loin de Time Valley. Il y a juste environ 30 km de l'est. Oh, on vous a perdu. C'est sûr que vous êtes sur. Est-ce que vous êtes là? Ah ouais. On va Oui. recommencer. Recommencer. Donc, vous avez appris votre français parce qu'on vous a perdu. Je sais que vous êtes sur votre portable. Donc, vous l'avez appris à quel endroit? OK. Donc, est-ce que ça va maintenant? Oui, Tu on peut m'entends? recommencer. Oui, on peut recommencer. Donc, vous l'avez appris à quel endroit votre français, madame? J'ai appris le français à l'école élémentaire, dans une école qui offre le français immersion. Et j'ai appris ça à l'école Bloomfield, à l'île du Prince-Édouard. Ah, ben c'est bien ça, c'est bien ça. Dites-moi, Twight Valley, pourquoi vous avez porté votre candidature? Time Valley. Yes, pourquoi vous avez porté votre candidature? Le 29 Ouais. décembre 2019, nous avons perdu notre aréna à cause du feu. OK. Et vous avez C'était décidé. complètement. Et vous avez Excuse. décidé de faire face, et vous avez dit, ah, c'est peut-être une possibilité pour nous d'aller chercher du financement et on va s'inscrire à Kraft Hockeyville. C'est même si c'est commencé? Oui, c'était comme le 1er janvier, je crois, on a vu que le Hockeyville était en train de s'ouvrir pour des candidats. Puis un comité qui a été créé pour essayer de trouver des façons d'obtenir des fonds pour construire un nouveau aréna. On avait pris la décision d'essayer pour Hockeyville aussi. Donc ça, c'était un endroit où nous sommes y allés. OK. Et là, dites-moi, est-ce que vous avez été surprise de vous ramasser dans les quatre municipalités, dans les quatre finalistes? Oui, je sais qu'on a eu beaucoup de support, comme énorme, OK. d'un coin du pays jusqu'à l'autre. Et on était conscient de cela, mais on ne sait jamais parce que on avait parlé avec les autres qui ont fait partie de le concours de Hockeyville. Puis ce qu'ils ont dit, c'est que même si vous avez comme beaucoup de De vote. nominations, beaucoup de photos, des choses comme ça, que les juges vont. C'est seulement une histoire Ah ouais. qui vous donne la chance d'être le candidat. OK. Donc, on savait que on a eu beaucoup de support, on a fait beaucoup de travail autour de cela, mais on ne sait jamais avant que l'annonce a été annoncée, comme OK. était télévisée. Oui. OK. Dites-moi maintenant, si on parlait un peu de cette du sport et ainsi de suite, c'est une municipalité de 249 habitants, c'est bien ça? C'est pas gros, quoi. Environ. Non, c'est un village. Il y a un autre. Environ 900 habitants qui utilisent notre aréna. OK. Parce que c'est le village de Time Valley, centre-ville, aurait 250 habitants. Puis là, autour, ça serait environ 900 habitants. Oui. Oui. Mais là, comment vous allez faire pour faire face à un exemple, à une ville de Saint-Félicien qui a 10 000 personnes, Ensuite de ça, il y en a d'autres. Je suis allé voir ailleurs, c'est quand même moins gros que Saint-Félicien un petit peu aussi. Est-ce que vous allez être capable de mobiliser tout votre monde? Ça serait un gros défi. On sait ça déjà. On sait que c'est le plus gros défi, c'est que nous sommes un village Ouais. très petit. Mais nous avons un de notre endroit, le gens de notre région, le gens de l'île du Prince-Édouard et autres parties du Canada aussi, qui vont nous aider. Et on espère qu'on va continuer de recevoir le support qu'on a eu jusqu'à ce point. Okay. Ben, on sait jamais. On va essayer de notre mieux. On va continuer à raconter nos histoires, à partager avec le monde que notre aréna, c'est pas seulement que ça, il y a comme un besoin de remplacer quelque chose, ou d'améliorer un endroit. C'est que on n'a absolument rien. On doit commencer comme de complètement Ouais. bâtir un aréna. OK. Dites-moi, Oui. 249 personnes, et ainsi de suite, est-ce que le village est tout centralisé? J'imagine que oui, tu sais. Oui, plus ou moins comme. Ouais. Oui. Est-ce que les. Ouais. Comme pour nous autres, comme quand vous pensez à les villes, vous pensez à les villes comme avec des 1 000 habitants. Mais à l'île du Prince-Édouard, ce n'est pas notre réalité. Toutes les communautés, toutes les villes sont petites, mais ça nous donne aussi le sens des liens familiaux très, très, très proches Ouais. entre nous autres. OK. Ouais. Et je crois que ça va nous rendre, ça va probablement, non, pas probablement, sans doute, ça OK. c'est une de nos forces. Dites-moi, vous avez eu 25 000 $ pour déjà d'inscrire, d'être dans les quatre. Est-ce que le CAF Archiville a déjà été à l'île du Prince-Édouard? Oui, Ouais. des années passées, O'Leary, une autre communauté à l'île du Prince-Édouard, ils ont eu du succès avec le OK. concours, oui. OK. Oui. Ben, on va vous souhaiter. Ben, je ne sais pas si on peut vous souhaiter la meilleure des chances, parce que pour nous, c'est vraiment intéressant, mais on va vous souhaiter quand même parce que je sais que c'est beaucoup, beaucoup de travail faire sortir le vote, évidemment. Et on va vous Oui. souhaiter la meilleure des chances. Félicitations pour votre français. C'est vraiment agréable de voir que. Honnêtement, je pensais faire des entrevues en anglais, fait que c'est vraiment le fun de voir que quelqu'un parle en français, l'île du Prince-Édouard, et la meilleure des chances. Et nous sommes très fiers que nous avons la chance d'apprendre une Oui. langue officielle du Canada aussi. Donc moi, je suis toujours très nerveuse, mais aussi fière que j'ai eu la possibilité ou la chance de l'utiliser hors de l'enceinte de classe. Et j'aimerais aussi, de notre comité, nous aimerons aussi, comme vous souhaitez, le Saint-Félicien et les autres candidats, comme meilleure chance, juste pour être une finaliste, Ouais, c'est juste pour aussi un peu beaucoup comme de nous aussi, travail. là. Oui, beaucoup de travail. Et nous sommes si fiers de toutes les histoires, toutes les nominations, comme chaque équipe, comme chaque un de les quatre finalistes, comme je pense que sont tous des candidats vraiment pas juste, mais qu'est-ce que c'est le mot? Que tout le monde a la même chance. Comme toutes les histoires sont si comme émotionnelles et vraiment comme bien faites. Donc nous souhaitons tout le monde aussi la bonne chance. Puis c'est ça que Lucky nous apporte ici au Canada. Nous sommes tous ensemble, c'est toute une famille de hockey. C'est juste que nous sommes dans les différentes régions partout au Canada. Ouais. Hey, une question qui me vient à l'esprit, Madame Noy, en terminant. Si jamais Saint-Félicien obtient le, pas Saint-Félicien, mais Twide Valley obtient le match, est-ce que ça va jouer dans votre aréna ou ça va jouer où? Avez-vous, parce que je sais que Non, ça va pas. l'an Mais passé, c'était non, ailleurs. Ouais. ça doit, ça va pas être joué dans notre aréna parce que notre aréna n'est pas même construit encore. Ouais, c'est ça. Donc, ça va être dans une autre aréna. On ne sait pas tous les détails parce qu'on n'est pas rendu là encore. Mm. Mais, et Saint-Félicien, est-ce que c'est une aréna? Il y a, c'est un complexe, n'est-ce pas? Il y a plusieurs... Oui, c'est un complexe. Ça s'appelle le Centre Marianne Saint-Gelais. Marianne oui. Saint-Gelais qui a remporté une médaille d'argent aux Jeux Olympiques de Vancouver. Je ne sais pas si tu en rappelles. Oui, oui. Donc, Marianne vient de Saint-Félicien. Donc, le centre s'appelle le Centre Marianne Saint-Gelais. Et c'est à peu près, je dirais quoi, 600-700 personnes à peu près qu'on peut accueillir à Saint-Félicien au Centre sportif Marianne Saint-Gelais. Fait que, donc... on espère bien grandement, fait que nous, on espère, ce serait vraiment le fun, parce que, et pour vous aussi, là, avec l'histoire de la COVID, les gens n'ont pas eu beaucoup l'occasion de fêter, puis d'avoir une activité rassembleur, oui. Puis je pense que, peu importe lequel qui va gagner, je pense que ça va être vraiment agréable pour la municipalité. Moi aussi, je suis vraiment excitée pour tout le monde, comme ça, on aimerait que c'est nous autres qui a choisi, mais... quand je regarde et je lis toutes les histoires et toutes les photos, comme je suis vraiment excitée pour tout le monde. Mm. Que c'est vraiment une chose incroyable. Oui, effectivement. Madame, on va vous souhaiter la meilleure des chances. Bravo quand même. Une petite ville de 240, une petite municipalité de 249 personnes qui réussissent à se rendre en finale. Bravo. Puis au plaisir de se parler. OK, merci. Madame Rachel Noy, qui fait partie du comité de Craft Hockeyville à Tweed Valley.